L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zein Meyrowitz. 9e épisode. Si jamais t'as la chance d'être tapoté sur les joues par Brunelda, tu ne l'oublieras jamais tellement que c'est une jouissance. Tu as le droit de quitter de la marche, même s'il est ton ami. Alors je vais pouvoir commencer tout de suite à me reposer. Mais comment? Mais parce que tu vas assumer mon travail. Pourquoi êtes-vous chez ces gens-là? Eh bien, je... Vous pouvez me le dire sans crainte, je les déteste. Surtout la grosse matrone. Et figurez-vous, de la marche veut que je devienne leur domestique. Mais moi, je ne veux pas. Vous avez d'autres perspectives d'avenir? Si j'ai bien compris, vous me conseillez de rester ici, malgré tout. Puisque vous n'avez pas d'autre choix. Adieu, Brunelda. Allez, Rosman, debout, c'est l'heure. L'heure de quoi? L'heure de la toilette de Brunelda, bon sang, lève-toi. Je sais, Rosman, tu tombes de sommeil, mais il y a quand même urgence. Regarde autour de toi. Là, juste derrière les meubles, tu peux apercevoir la grosse tête de Brunelda que de la marche frotte avec une éponge. La serviette. Une serviette! Et encore de l'eau chaude, Robinson. Sur un poêle électrique, il y a un seau d'eau qui chauffe en permanence. Robinson doit le remplir, attendre que ça chauffe et l'apporter à Delamarche qui le verse alors dans le bain de Brunelda. Puis ce cycle infernal recommence. Sauf que Robinson n'arrive pas à tenir la cadence exigée. Et Rosman, il est l'heure. Oh, tu me fais mal, Delamarche. Laisse-moi. Tu sais toujours pas me laver correctement. Il faut que je le fasse moi-même alors que j'arrive plus à lever mes bras. Toi, tu appuies trop fort, tu me blesses. Je suis sûr que j'ai le dos couvert de bleu. Je vais demander à Robinson de venir regarder mon dos pour me dire si j'ai des bleus. Brunelda, je t'en supplie. Alors fais attention avec ton éponge, traite-moi avec plus de douceur. Tu continues de me faire mal. Robinson, au secours! Il me martyrise, ceux de la marche! Robinson! Alors, Robinson, vas-y! Mais non, mais non, t'es pas sérieux, Rosman? J'y suis allé une fois pour lui porter secours, et plus jamais je le ferai. Ils m'ont tous les deux plongé dans la baignoire au point de presque me noyer. Et le comble, Brunelda a pris ça pour de l'impertinence. Alors, Robinson, petit voyeur, tu es venu tout simplement pour me reluquer dans mon bain? J'ai dû demander pardon à genoux. Robinson, tu viens m'aider ou non? Eh bien, Rosman, ça sera bientôt ton tour si tu remplaces Robinson. Où es-tu, de la marche? Derrière toi, ma douce. Bah, je sens rien. Est-ce que tu frottes ou non? Bien sûr, mon ange. Bah, c'est pas assez fort. Si j'étais capable de bouger, je t'apprendrais comment me laver correctement. Où est le temps où j'étais jeune fille et où tous les matins, près du rang de mes parents, j'allais nager dans le Colorado? J'étais bien plus agile que la majorité des autres filles. Et maintenant, regarde-moi. Tu es toujours ravissante, mon cœur. Tu te donnes beaucoup de peine pour rien. Je veux pas que tu m'arraches la peau comme tout à l'heure, mais cela ne veut pas dire que tu doives rester sans bouger l'éponge à la main pendant que l'eau refroidit. Si ça continue, je vais me lever, sortir de la baignoire et me promener toute nue dans l'appartement devant les autres. Ah, ça, tu es très doué pour ce genre de choses, hein, quand tu veux te faire pardonner tes maladresses. Eh bien, Rosman, premier jour dans ton nouvel emploi. Il est dans un sale état, celui, après une nuit entière sous le poids de Brunelda. Ils sont en train de faire notre lit, et très probablement n'importe comment. Il faut être plus sévère avec ces deux voyous. En tout cas, désormais, c'est lui qui prend le relais. Vous ne touchez à rien. Après son bain, Brunelda va se reposer. Arrêtez tout ce bruit! Robinson, je te tiens pour responsable. C'est toi qui dois t'occuper de former Rosman. Ils sont tarés. Tous. Où est mon parfum? Son parfum? Dépêchez-vous! Où se trouve le parfum, Robinson? Aucune idée. Des dizaines de poudriers, des brosses à cheveux sales, des vieux pots de crème, des rouges à lèvres de toutes les couleurs, mais pas de parfum. Aurais-je mon parfum? pour demain, bon sang! Même si je dois rester dans cette baignoire jusqu'à ce soir, je n'en bougerai pas tant que je n'aurai pas eu mon parfum. Oh, de la marche, je vais sûrement mourir ici dans tes bras tellement ces deux idiots me contrarient. Alors maintenant, vous deux, je vous ordonne de trouver ce parfum, sinon ça va cogner. Nous avons cherché partout. Partout. Qu'il cesse de chercher. Il ne trouve rien, c'est dominable. Qu'il ne touche plus à mes affaires. Ils vont transformer mon appartement en porcherie. Qu'il laisse tout par terre et qu'il quitte la chambre. Et toi, de la marche, viens m'essuyer tout de suite. Mes pauvres jambes sont déjà gelées. J'arrive. Pendant ce temps, vous deux, vous allez chez la concierge au deuxième étage chercher le petit déjeuner de Brunelda. C'est compris? Avant cela, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a encore, Rosman? C'est le désordre partout chez vous. Un ramassis de saleté. Quand nous reviendrons avec votre petit déjeuner, je vais faire un grand ménage. Les choses vont changer ici, maintenant que c'est moi qui suis engagé comme domestique. Regarde cette cuisine infecte. C'est ici que tu viens chercher de la nourriture, Rosman? Tout est noirci à cause des fumées. La vaisselle sale est empilée ici et là. Le fourneau à charbon défectueux dégage une odeur insoutenable. Et c'est la logeuse qui fait office de cuisinière. Elle est, de toute évidence, totalement dépassée. Elle va et vient en courant d'une énorme marmite à l'autre, plonge ses louches dans des mixtures qui ont l'air de tout, sauf d'être comestibles. Je n'en peux plus, fini. Je fais plus de repas aujourd'hui. Je suis malade, ma fille aussi. Toute la journée, préparer le petit déjeuner puis laver la vaisselle pour pouvoir faire et servir le repas du midi. Et ensuite, le soir... Mais moi, là, toute seule pour tout faire. Madame la logeuse? Bah, et vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? La cuisine est interdite aux locataires. Nous venons chercher le petit déjeuner de Madame Brunelda. Vous voulez quoi? Votre petit déjeuner à 4 heures de l'après-midi? Et puis quoi encore? Et puis vous êtes qui, jeune homme? Karl Rossmann, je suis allemand. Stop! Ça me suffit de vous voir en compagnie de ce voyou d'Irlandais pour savoir qui vous êtes. Toutefois, nous sommes venus chercher le repas de Mademoiselle Brunelda. Le repas, elle l'aura à partir de 18h. Un petit déjeuner demain matin. Matin! J'ai 30 autres locataires à servir, moi, il n'y a pas que vous. Soyez raisonnable, madame. C'est vrai que nous déjeunons assez tard, mais nous sommes quand même vos locataires. Vous êtes payés pour cela. Nous attendons ici depuis une demi-heure. Madame Brunelda va être très en colère. Bien sûr, nous comprenons que cela vous dérange, surtout avec votre fille souffrante. Mais faites une exception. Ça, c'est ma réponse, jeune homme. Dehors! Qu'est-ce qu'on va faire, Rossmann? On ne peut pas revenir les mains vides. Ne t'en fais pas, Robinson. Nous allons récupérer les restes. Vous allez faire quoi? Vous n'avez pas encore fait votre vaisselle, madame. Les autres locataires ont laissé pas mal de nourriture dans leurs assiettes. Ce n'est pas grave si une partie est déjà grignotée ou si les petits pains sont un peu mordus. Il reste du café, même s'il est tiède et qu'il ressemble à du jus de navet. C'est tout ce dont nous avons besoin pour composer quelque chose qui ressemble à un petit déjeuner pour Mademoiselle Brunelda. Et en plus, cela ne vous coûtera pas un centime. Rossmann, pour l'amour de Dieu, prends le plateau des mains de Robinson. Il va tout faire tomber. Il n'est plus en état de se tenir debout. Donne-moi ça. Il faut que tu te ressaisisses, Robinson. Enfin, quelqu'un qui reconnaît à quel point je suis un homme malade. Ne t'en fais pas. Je vais te préparer un lit bien à l'abri, derrière les meubles. Tu pourras y rester toute la journée, aussi longtemps que tu voudras, jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Brunelda va pas me laisser tranquille. Elle insistera pour que je travaille encore, jusqu'à ce que je m'écroule. Je me charge de lui en parler. Ne t'inquiète pas. Et si, au lieu de ménager ces escrocs, Rossmann, tu saisissais l'occasion d'être seul avec cet ivrogne pour t'échapper maintenant par l'escalier? Pas encore. Pas encore? Rien. Je me parle à moi-même. Dis, Robinson, pourquoi vous acceptez Delamarche et toi d'être malmenés par cette femme? Et parce que c'est elle notre propriétaire. Elle peut à tout moment nous mettre à la porte. Alors cherchez un autre logement. Impossible, Rossmann. Pourquoi impossible? Parce que Brunelda n'est pas transportable. Il était temps. Je meurs de faim. Je parie que vous avez pris un bon déjeuner quelque part. Et toi, jeune Rossman, ne prends pas cette crapule d'Irlandais comme modèle. Il est paresseux et maladroit. La prochaine fois, je ne tolérerai aucun retard. Le seul moyen de faire comprendre quelque chose à cette choucroute, c'est de lui flanquer une belle raclée. Non ! Regarde le bon petit déjeuner qu'il m'a apporté. Il s'en est bien tiré pour sa première fois. Je regrette de ne pas encore savoir tout organiser correctement, mademoiselle Brunelda. La prochaine fois, tout sera impeccable. Quelques mois plus tard, Robinson et Delamarche ont disparu. Par pitié, Karl Rossman reste avec Brunelda, qui de plus en plus grosse est incapable de prendre soin d'elle-même. Il est maintenant son seul domestique, mais il n'est pas rémunéré pour sa peine parce que Brunelda a dilapidé toute sa fortune. Avec l'aide de Delamarche, bien entendu. Elle est tout le temps malade. Puis la propriétaire l'expulse puisqu'elle n'a plus de quoi payer le loyer. Karl doit donc descendre Brunelda du 6e étage de l'immeuble, une vraie gageure. L'étudiant a accepté de lui prêter main forte. Alors on y va. À trois, on la soulève. Un, deux, trois. Non, stop, pause. Cinq marches, ça me suffit. Vous tenez le coup ? Est-ce que j'ai le choix ? Il faut me porter jusqu'en bas. Je peux pas rester dans l'appartement. S'il vous plaît, messieurs. À ce rythme-là, pour descendre tous les étages, il nous faudra au moins 2 heures. Je vous en supplie. Vous en faites pas, mademoiselle Brunelda. On va y arriver. Quel autre choix, de toute façon, maintenant que vous êtes à mi-chemin, Rossman ? Remonter avec un fardeau de 200 kilos ? Espérons que cet hiver de fortune tienne le coup. Allez, on soulève. La rancœur entre Brunelda et l'étudiant semble s'être évanouie. Lui qui la détestait, et elle qui se montrait si méchante à son égard. Encore beaucoup d'étages ? Encore 4. Bonté divine ! Ça y est. Vous êtes bien assise sur le fauteuil, mademoiselle Brunelda ? Ça peut aller. Monsieur l'étudiant, je ne connais pas votre nom après tous ces mois de voisinage. Et maintenant, il est trop tard pour l'apprendre. Accepteriez-vous 1 dollar en contrepartie de votre gentillesse ? Avec plaisir. 1 dollar ? De la part de Brunelda ? Une petite fortune. Adieu, monsieur Mendel. Je ne pense pas qu'on se reverra. Mais si un jour cette occasion se présentait, j'espère qu'entre-temps, au moins l'un d'entre nous aura fait de grandes choses. Ce sera sûrement vous, Rossman. Mon chemin est déjà tout tracé. Adieu. Bon, allons-y. Il faut profiter de cette heure matinale, après vous serez gênés par les passants. Monsieur l'étudiant est toujours visible. Oui, pourquoi ? J'aurais envie de le saluer de la main une toute dernière fois. Pour ce faire, il faudrait que je tourne votre fauteuil. Cela implique une manœuvre délicate qui risquerait d'endommager les roues. C'est pas grave. N'y pensons plus. Non. Attendez. Incroyable. Tu y es arrivé. Voilà, vite, agitez votre mouchoir, il vous regarde. Adieu ! Le chemin est encore long. Assez, oui. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je me recouvre avec ce drap, ce sera mieux. Et en effet, elle se couvre de la tête jusqu'aux pieds. On ne voit plus rien d'elle. Le drap va sûrement intriguer les passants, mais il faut dire que, découverte, Brunelda risque de provoquer un attroupement. Allez, dépêche-toi quand même, Rossmann. Oui, Rossmann, je fais de mon mieux. Mais conduire et manœuvrer sur des pavés cette lourde charge n'est pas facile. Attendez, jeune homme. Qu'est-ce que vous transportez là sous cette bâche? Et pourquoi êtes-vous aussi pressé? Je transporte des pommes, monsieur l'agent. Et je ne veux pas être en retard pour le marché. Faites voir. Mais soulevez cette bâche. Des pommes. Une récolte entière et toute pourrie. Vous avez des papiers? Montrez le document que vous avez reçu, mademoiselle Brunelda. Je ne retrouve plus. Oui, c'est ça. Ici, derrière vous, Brunelda. Voici, monsieur l'agent. Entrepôt numéro 25. Ah, l'entrepôt. Alors, mademoiselle fait partie de ce genre de personnes. Et vous, jeune homme, vous assurez la livraison. Vous ne pouvez pas trouver mieux que ça comme travail. Allez, filez. Je ne veux plus vous voir dans ce quartier. Débarrassez-moi le plancher avec votre marchandise. S'il vous plaît, Rossmann, pourriez-vous cacher cette récolte de pommes pourries jusqu'à ce soir, derrière ces caisses-là, afin de nous reprendre le chemin qu'à la nuit tombée. Nous sommes arrivés, Brunelda. Soyez la bienvenue dans l'entrepôt numéro 25, mademoiselle. C'est bien triste d'abandonner Brunelda ici, Rossmann. Mais as-tu le choix? Tu es bien en retard, petit. Il y a eu des imprévus? Cela m'est égal, petit. Dans cette maison, je ne veux pas entendre parler d'imprévus. T'as bien compris? Oui, monsieur. Je la rentre dans l'entrepôt? Négatif. On s'en charge. Toi, tu disparais. Et je peux au moins faire mes adieux à mademoiselle? Négatif. Le comportement du chef de l'entrepôt numéro 25 ne lui fait aucun effet. Le supérieur qui injurie le subordonné, c'est bien connu. Ce qui attriste Karl Rossmann, c'est Brunelda et le lieu misérable où elle va devoir vivre désormais. Le carrelage a été balayé, les palmiers artificiels époussetés, la peinture a l'air récente. Pourtant, tout est graisseux et repoussant. Même un nettoyage à fond n'y changerait rien. Normalement, quand il arrive dans un endroit en mauvais état, même insalubre, Karl tire une grande fierté de pouvoir, grâce à son imagination, envisager les améliorations possibles, même si cela implique beaucoup de travail. Mais ici, malheureusement, il ne saurait même pas par où commencer. L'Amérique de Franz Kafka, traduit et adapté par David Zane Meyrowitz. 9e épisode. Avec Guillaume Marquet, Karl Rossmann, Laurent Cléry, le narrateur, Philippe Bautier, Robinson, Alain Fromager, Delamarche, Catherine Tartarin, Brunelda, Jonas Marmy, l'étudiant. Et Julien Aluguette, Cécile Arnaud, Myrène Astré, Vincent Bramoulet, Richard Chevalier, Françoise Cousin, Sophie Doll, Nicolas L., Daniel Krellenstein, Marc Léonian, Léo Reynaud, Othello Vilgar, Élodie Vincent, Valérie Vinci. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissens, Élodie Fiat. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Bastien Varigaud, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande.